إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Donc inshallah nous entamons un nouveau cours concernant l'ouvrage Kun Salafiyan ala al-Jadda li Sheikh Abd al-Salam al-Suhaymi hafidhahullahu ta'ala. Et nous sommes arrivés au huitième chapitre dans lequel il nous dit hafidhahullah ba'dul qawa'id fil manhaj al-Salafi. Donc quelques règles, quelques fondements de base concernant la voie salafi. Awalan, premièrement, قاعدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Une règle ou un fondement de base concernant le fait de commander, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. المراد بالمعروف. Donc d'ordonner, de recommander le convenable. Qu'est-ce que le convenable ? Qu'est-ce que le bien ? Donc là, c'est, ça concerne le sujet de Al-Amr al-Ma'ruf ou Al-Nahi anil munkar. Al-Ma'ruf, en arabe, c'est ce qui est connu. Et ce terme est employé pour ce qui est bien, ce qui est convenable. Al-Munkar, en arabe, c'est l'inconnu. C'est ce qui est méconnaissable. Et ici, il est voulu ce qui est un mal, non convenable. Donc le terme al-ma'ruf, qu'est-ce qu'il est voulu par ce terme ? Jami'u ta'at, toutes les obéissances, tous les actes d'obéissance. Wa a'zamu dhalik, est le plus grand acte d'obéissance, le plus grandiose de ces actes d'obéissance, ibadatullahi wahdahu la sharika lah, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Wa ikhlasul ibadati lahu, et c'est de faire preuve de sincérité dans l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le plus grand bien, le plus grand convenable auquel on se doit d'ordonner, d'appeler, de recommander, c'est le monothéisme. C'est l'unicité d'Allah, tabaraka wa ta'ala. De reconnaître qu'il est l'unique, le seul, et de l'adorer seul, sans rien lui associer. Wa tarku ibadati ma siwah, et le délaissement de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Wa ya'ti ba'da dhalika sa'iru ta'at min wajibat wa mustahabbat. Après l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, après le tawhid, le monothéisme, qui est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala sur sa créature, vient le restant des obéissances, le restant des actes d'obéissance parmi les actes qui sont obligatoires et les actes qui sont conseillés, recommandés. Donc tout ce qui est bien, tout ce qui est demandé à accomplir, ça entre dans le terme al-ma'ruf. Et le plus haut degré du ma'ruf, c'est le tawhid. Donc on comprend par là que rien ne passe avant le tawhid. Aucun sujet ne peut être au-dessus du tawhid. Donc le plus grand bien auquel on doit d'appeler, de rappeler, de recommander, c'est le tawhid. Rien ne passe avant le tawhid. Et toutes les œuvres convenables, les actes d'obéissance, elles viennent tous après le tawhid. D'abord les actes obligatoires, puis après les actes recommandés, les actes conseillés. Mais rien ne vient avant le tawhid, qui est le plus obligatoire des obligatoires. Et toutes les œuvres, qu'elles soient obligatoires, qu'elles soient recommandées, qui font partie de l'ma'rouf, du bien auquel on doit appeler, elles dépendent du tawhid. Leur acceptation dépend de ce premier point primordial qui est le monothéisme. Wal-munkar, al-munkar, هو كل ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم. C'est quoi le munkar? C'est tout ce qu'Allah a interdit, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous les interdits, interdits par Allah et interdits par son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ces interdits entrent dans le munkar, dans le mal. فَجَمِيعُ الْمَعَاصِي وَالْبِدَعُ مُنْكَرُ. Donc, toutes les désobéissances, tous les actes de désobéissance, ainsi que les innovations, sont munkar. C'est-à-dire, c'est un mal. Car les désobéissances, les péchés sont interdits. Et les innovations sont interdites. Et il est à savoir que les innovations sont dans un mal plus grand que les péchés, que les désobéissances. Car l'innovation, c'est vouloir légiférer dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est faire entrer dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, ne nous a pas demandé, ni son prophète, alayhi salatu wa salam. C'est contraire à la tradition et aux ordres du prophète alayhi salatu wa salam. Et c'est pire que les péchés, car la personne qui commet des péchés sait que cela est contraire à la religion. Il est conscient qu'il est en train de s'éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est conscient que ses actes amènent la colère et le courroux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors que l'innovateur, lorsqu'il innove, il commet des innovations, pour lui, il est dans le bien. Il considère, il se croit dans le bien. Et il se croit dans le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il se trompe. En réalité, il s'éloigne. Il ne fait que s'éloigner d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et en cela, il amène la colère et le courroux d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, toutes les désobéissances, tous les péchés et les innovations sont du munkar. C'est un mal. Donc, tout cela, dans cette règle religieuse, on se doit d'appeler au convenable, de recommander le convenable, d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. Et toutes ces actions-là, elles entrent dedans. وَأَعْظَمُ الْمُنْكَرُ. Et le plus grand des munkars, le plus grand des maux, le plus grand mal, il n'y a pas un mal au-dessus, c'est quoi? C'est الشِّرْكُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلُ. C'est l'association, d'associer à Allah عَزَّ وَجَلُ. C'est le polythéisme, de donner à Allah des égaux, des semblables. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Qu'Allah nous en préserve. Et cet acte-là, c'est le pire du munkar. Donc la première des choses à laquelle on se doit d'appeler, c'est le tawhid. Rien ne passe avant. Les autres actions, elles viennent après. Et l'action à laquelle, en premier lieu, on se doit de mettre en garde, d'avertir, d'interdire aux gens, c'est le shirk, le polythéisme. Et les péchés, ils viennent après. Les autres péchés viennent après. Ils sont moindres dans le mal. C'est un moindre mal par rapport au polythéisme. Bien que tout cela est un mal, mais le polythéisme est le plus grand des maux. Les bonnes œuvres ne peuvent être valides, ne peuvent être acceptées que s'il y a la condition de validité qui est le monothéisme. Et la présence du polythéisme, de l'association, elle fait tomber toutes les bonnes œuvres. Aucune œuvre n'est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala s'il y a le polythéisme, qu'il y a l'association. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ. Donc, les prêcheurs qui ont comme principe d'appeler en premier lieu au tawhid et qui mettent en garde en premier lieu contre le shirk, ceux-là sont sur la voie des prophètes et des messagers. Ils sont sur le même chemin sur lequel était le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et les prêcheurs qui ne donnent pas d'importance, qui n'appellent pas en premier lieu au tawhid, ni mettent en garde contre le shirk, ceux-là n'ont pas entrepris le chemin du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais ils ont pris d'autres chemins qui sont en contradiction avec la voie prophétique. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ وُجُوبًا كِفَائِيًّا لَا عَيْنِيًّا. Et le fait d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable est une obligation. C'est un devoir pour cette communauté, pour une partie d'entre eux, non pas pour chaque personne précisément. C'est-à-dire que si des personnes de la communauté s'en occupent, alors cela n'est pas demandé aux autres personnes de la communauté. C'est ce qu'on appelle al-kifa'i wal-ayni. Quand on dit qu'une règle elle est ayni, c'est-à-dire elle concerne chaque personne. Toute personne se doit de l'accomplir. On dit que c'est kifa'i, si une partie s'en est occupée, cela n'incombe pas aux autres membres de la communauté. إِذَا قَامَ بِهِ مَنْ يَكْفِي سَقَتَ الْإِثْمُ عَنِ الْبَاقِينَ. Donc, si les personnes compétentes s'en acquittent, alors il n'y aura pas péché et nul grief ne sera fait au restant de la communauté. وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ أَثِمَ الْجَمِيعَ. Mais si personne s'en occupe, personne ne prend en main cette obligation, ce devoir, alors c'est toute la communauté qui fait péché. C'est toute la communauté qui aura à répondre de ce mal dans lequel ils sont. قال تعالى, Allah le Très-Haut nous dit, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dans le sens du verset, et que parmi vous, qu'il y ait un groupe, une partie de la communauté parmi vous, qui invite au bien, qui appelle au bien, et qui ordonne le convenable, et qui interdit le blâmable, et les voilà ceux qui réussiront. Donc dans le verset, on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande aux musulmans que parmi eux, il y ait des personnes, un groupe de personnes qui s'occupent d'ordonner le convenable et d'interdire le blâmable. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ينبغي أن يكون عالما بما أمر به عالما بما ينهى عنه رفيقا فيما يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه حليما فيما يأمر به حليما فيما ينهى عنه. Donc, Cheikh l'Islam, Abu al-Abbas, Ahmed, Ibn Abd al-Salam, Ibn Taymiyyah, Al-Harrani, rahimahullahu ta'ala, ce grand savant de l'Islam, ce grand imam, il dit, celui qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable se doit d'être connaisseur, d'avoir de la science sur ce sur quoi il ordonne. Il ordonne le convenable, il sait que cela est un acte convenable. Il en a la connaissance. Il n'est pas dans le doute. Ce n'est pas une pensée. Je pense que non. Il en a la certitude. Il a le savoir. Il sait que c'est un acte convenable. Donc il demande aux gens d'appliquer cet acte convenable. Il en a la connaissance. Donc celui qui doit, celui qui prend cette initiative d'ordonner le convenable ou d'interdire le blâmable, il se doit d'avoir le savoir sur la question dans laquelle il entre. Donc il ordonne le convenable avec science. Donc il sait ce qu'il ordonne. Il sait ce qu'il interdit. Il sait que telle chose, elle est interdite. Et donc, il l'interdit aux gens. Il leur interdit le mal. Et il en a la connaissance. Il se doit d'être sage, tendre, fait preuve de tendresse dans ce qu'il ordonne. Et de même, dans ce qu'il interdit. Il se doit d'être doux et clément dans ce qu'il ordonne, de même qu'il se doit d'être doux et clément dans ce qu'il interdit. Parce que le but recherché, c'est la grâce divine, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il veut pour son prochain ce qu'il veut pour sa propre personne. Donc, il veut que la personne soit guidée. Il veut que la personne soit dans le droit chemin, loin de tout interdit. Et que la personne s'est acquittée de ses devoirs. C'est ça son but recherché. Donc, il facilite l'acceptation de ce prêche lorsqu'il le fait aux gens. Donc, il se doit de connaître et d'être tendre, doux et clément. فَالْعِلْمُ قَبْلَ الْأَمْرِ. Avant l'ordre, avant d'ordonner, il y a le savoir. Comme a dit l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Dans son sahih, dans son authentique, le chapitre, la science avant la parole et l'acte. Avant tout agissement, tu connais le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala là-dessus. Tu apprends. Donc tu as le savoir avant de parler ou avant d'agir. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Et la preuve, l'argument de cela, c'est la parole d'Allah, le Très-Haut, dans le sens du verset. Sache et le savoir et la connaissance que nul n'est adorant en vérité si ce n'est Allah, puis demande pardon pour toi ainsi que pour les croyants et les croyantes. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Et donc il a commencé, il a fait passer en premier le savoir avant la parole et l'acte. Donc, فَالْعِلْمُ قَبْلَ الْأَمْرِ. Donc, le savoir avant l'ordre. وَالْرِفْقُ مَعَ الْأَمْرِ. Et la tendresse, elle doit accompagner l'ordre. Donc, avoir la connaissance avant d'ordonner ou d'interdire. Tayyib, tu as le savoir. Pendant que tu es en train d'ordonner, pendant que tu es en train d'interdire, tu dois accompagner cette action avec de la tendresse. Wal-hilmu ma'al-amr. Et la douceur et la clémence, pareil aussi, elle doit accompagner l'ordre. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْفُوَ مَا لَيْسَ لَهُ بِعِلْمٍ. S'il n'avait pas le savoir, il n'était pas connaisseur de ce qu'il entreprend, alors il ne lui était pas permis de parler ou de prendre les devants sans connaissance. Comme Allah dit dans le Coran, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Et ne parle pas, ne prends pas les devants, ce sur quoi tu n'as pas science, tu n'as pas de connaissance, car sur lui, la vue et la raison, sur toute chose, tu en seras questionné. De même qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le Coran, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous cite certains interdits dans l'ordre et nous dit, dis ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certes mon Seigneur a interdit le mal, la transgression, et que vous associez à Allah la transgression sans aucune vérité, sans aucun droit, et que vous associez à Allah ce qu'Allah n'a pas fait descendre. Vous avez fait des actions qu'Allah ne vous a pas permis. Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Et les ulama disent que l'ordre de ces interdits, c'est un ordre croissant. C'est-à-dire du plus petit mal au plus grand mal. Et de parler sur Allah sans connaissance est venu après l'association. Parce que d'où elle vient l'association et le polythéisme ? C'est d'avoir parlé dans la religion sans connaissance. Et ils en sont arrivés à adorer d'autres divinités en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. De même qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, dit dans le Coran, وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Et ne dites pas, parce qu'il sort de votre bouche, que ceci est licite et ceci est illicite, pour proférer un mensonge à l'encontre d'Allah, car ceux qui profèrent un mensonge à l'encontre d'Allah ne réussiront pas. Pas le droit. Ceci est licite, il faut en avoir la connaissance. Ceci est illicite, il faut en avoir la connaissance. Car c'est Allah tabarak wa ta'ala qui légifère. Et l'ordre et le jugement appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui nous ordonne, c'est Allah qui a fait descendre le livre, et c'est Allah qui a enseigné à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son prophète alayhi salatu wa sallam a transmis le message de son Seigneur. Donc on adore Allah subhanahu wa ta'ala par ce qu'il nous a révélé. Donc on voit bien le danger de rendre licite, de même que de rendre illicite sans aucune connaissance. Donc il faut avoir le savoir. On ne connaît pas, on ne prend pas les devants. On ne s'avance pas, on ne parle pas. Lorsqu'on ne sait pas, on s'abstient. Et on parle seulement lorsqu'on en a la connaissance. وَإِنْ كَانَ عَالِمًا. Et s'il a le savoir, il a la connaissance. وَلَمْ يَكُنْ رَفِيقًا. كان كالطبيب الذي لا رفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه. Et s'il a le savoir, la connaissance, mais il n'est pas tendre, il n'est pas bon, il est comme le médecin qui n'a pas de tendresse ou de bonté envers le patient et qui est dur envers le patient, alors le patient n'acceptera pas de lui. Il n'acceptera pas de lui. وَالْمُؤَدِّبْ أَلْغَلِيرُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ مِنْهُ الْوَلَدُ. Et c'est aussi l'exemple de l'éducateur qui est dur, sans aucune tendresse. Et là, l'enfant ne prendra pas l'éducation de cet éducateur. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِمُوسَى وَهَارُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aux deux prophètes, Moussa et Haroun, Moïse et Haroun, alayhim assalam, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit à Moussa et Haroun, les deux frères qui sont les deux prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ont été envoyés aux enfants d'Israël, et Allah les envoie pour inviter Pharaon au monothéisme et à la religion et à la droiture et aussi à la libération des enfants d'Israël. Mais Allah tabarak wa ta'ala leur dit dans le sens du verset, et dites-lui, dites à Pharaon une parole douce. Parlez-lui d'une parole tendre et douce. Il se peut qu'il se rappelle ou qu'il y ait de la crainte. Subhanallah. Même Pharaon, qui atteint les hauts degrés d'orgueil, Pharaon qui s'est prétendu être la divinité, qui s'est prétendu être le grand seigneur, wal'iyadhu billah, et avec ce grand mal qu'il a atteint, et il a induit en erreur beaucoup de gens, wal'iyadhu billah, et avec ça, Allah demande à Moussa et Haroun de lui parler de la meilleure manière, de lui parler avec douceur et tendresse, car il se peut qu'en lui parlant de cette manière, qu'il puisse se rappeler ou craindre. Alors que dire lorsqu'on parle à des gens qui n'ont pas atteint le degré de Pharaon? Il y a un calife musulman, on lui a ramené à sa cour un des khawarij, ce qu'on appelle aujourd'hui les jama'at al-takfir, les gens qui taxent à tout va les musulmans de mécréance. Il commence à en parler sur les gouvernants, ceux qui sont autour du gouvernant. Après, il s'attaque aux savants et après, il s'attaque à la communauté. Petit à petit, et il taxe les gens. Puis à la fin, même entre eux, ils peuvent se taxer de mécréants. Même entre eux. Subhanallah. Une idéologie contraire à la voie des pieux prédécesseurs. Contraire à l'islam authentique. L'essentiel, on a ramené un de ses membres à la cour du calife et il s'est mal comporté devant le calife. Le calife lui dit, dis-moi, est-ce que dans le mal j'ai dépassé Pharaon? Il lui a dit non. Pharaon, il est pire que moi? Oui, il est pire que toi, Pharaon. D'accord. Et toi, t'es mieux que Moussa? Il lui a dit non. Eh bien, sache qu'Allah, il lui dit, regardez, c'est un calife, regardez la phrase qu'il va lui dire. Sache qu'Allah a envoyé celui qui est meilleur que toi vers celui qui est encore plus mauvais que moi, et Allah lui a demandé de parler avec douceur. Subhanallah. C'est une éducation. Tayyib. Thumma man amara aw naha fala budda an yu'dha fil 'ada. Puis, il est à savoir que celui qui ordonne Et celui qui interdit, la vérité, elle est dure chez les gens. Elle est dure, elle est amère, elle est lourde. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il dit que la vérité, elle est lourde, on n'a pas besoin de la rendre encore plus lourde. Par un mauvais comportement, par de la dureté, par de la méchanceté. On n'a pas besoin. Elle est déjà lourde à la base, la vérité. Comme Allah dit dans le Coran à son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila » Nous allons faire descendre sur toi une parole lourde. La parole, elle est lourde. La vérité, elle est lourde. Donc, on se doit de la ramener aux gens de la meilleure manière. Tu ne mens pas aux gens. Tu ne triches pas avec les gens. Ça, c'est ce que certains n'arrivent pas à comprendre. Ils pensent qu'il faut mentir aux gens, de leur raconter le mensonge. Non, tu ramènes la vérité. Mais la vérité, tu la ramènes de la meilleure manière. En tout le temps en étant véridique. Jamais on ne prêche pas avec le mensonge. On ne triche pas dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, et les gens, souvent, ils ont du mal à accepter la vérité. Et il est pour habitude, et il est connu cela, que celui qui ordonne le bien et celui qui interdit le mal, qu'il sera éprouvé, qu'on lui fera nuisance. On essaiera de lui faire du tort et du mal. Donc ça, c'est les décrets d'Allah dans sa création. Et le meilleur exemple, ce sont les prophètes et les messagers. Et dans leur prêche, ils ont subi ce qu'ils ont subi, alayhim wassalatu wassalam. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc il ne faut pas que la personne soit étonnée, parce qu'il ne faut pas croire que lorsque tu vas prendre le chemin des prophètes, qu'on va te mettre te dérouler le tapis rouge avec les fleurs. Non, c'est un chemin dans lequel il y a des épreuves. Et la personne est éprouvée. Donc, il sera éprouvé. On lui fera nuisance. فَعَلَيْهِ أَنْ يَصْبِرْ Donc, il se doit de faire preuve de patience et d'endurance. وَيَحْلِمْ Et qu'il fasse preuve aussi de clémence et de douceur. كَمَا قَالَ تَعَالَى Comme le Très-Haut nous le dit, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرْ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ Ça, c'est les recommandations de Luqman, Luqman le sage. Ce n'était pas un prophète, c'était un homme vertueux, un homme pieux, Luqman. Et une sourate porte son nom. Il est dit que c'était un homme d'Afrique. Il était de la Nubie. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Soudan, de cette région-là. Wallahu a'lam. Donc, et il a donné des recommandations à son fils. Et parmi ces recommandations, il lui dit, et ordonne le convenable, et interdit le blâmable, et endure ce qui t'arrive avec patience. C'est-à-dire, quand tu vas faire cela, tu vas subir des choses. Donc, tu te devras de faire preuve d'endurance. Telle est la résolution à prendre dans toute entreprise. وَقَالَ أَيْضًا Et on est toujours dans les paroles d'Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, وَالْوَاجِبْ عَلَى الْآمِرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهِي عَنِ الْمُنْكَرْ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُ وَنَهْيُهُ لِلَّهِ وَقَصْدُهُ طَاعَةَ اللَّهِ Et il faut, pour celui qui ordonne le convenable et qui interdit le blâmable, que son ordre de faire ou de ne pas faire, lorsqu'il ordonne ou lorsqu'il interdit, que toutes ces actions-là qu'il accomplit soient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que son objectif, c'est d'atteindre l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ صَلَاحَ الْمَأْمُورِ Et que son objectif vis-à-vis de la personne ou aux personnes auxquelles il ordonne ou il interdit, c'est qu'il la réforme pour ces gens, qu'ils deviennent meilleurs en accomplissant ce qu'il faut. وَإِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَيْهِ Et aussi pour ramener l'argumentation et la preuve à ces gens. Une personne peut dire à tout moment, je ne savais pas. Je ne savais pas. Il faut faire telle action. Ah, je ne savais pas qu'il fallait la faire. Il ne faut pas faire ça. Ah, je ne savais pas que c'était interdit. Tayyib, tu viens, tu lui prouves. Tu dis, regarde, ça c'est demandé dans la religion. Et voilà, et voilà. Ça, c'est interdit en religion. Voilà, voilà. Ça, tu lui as ramené les preuves. Cette personne n'a plus d'excuses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que ça lui a été prouvé. Lorsqu'on lui a bien prouvé, ça y est. C'est une personne avertie. Alors qu'avant cela, il se peut qu'il ne savait pas. Donc, tu as ramené l'argumentation. وَأَلَّا يَكُونَ مَقْصُودُهُ طَلَبَ الرِّئَاسَ لِنَفْسِهِ وَطَائِفَتِهِ أَوْ تَنَقُّصِ غَيْرِهِ Et que son objectif, son but, ne soit pas la recherche d'une fonction quelconque ou d'une place quelconque ou un grade quelconque pour lui, pour sa propre personne ou pour son groupe de personnes et que son objectif et son but ne soient pas le rabaissement de la personne qui est en face de lui ou les gens qui sont en face de lui. Ce n'est pas ça son but. Ce n'est ni de chercher quelque chose, un bien mondain, ni de rabaisser la personne, mais plutôt la réforme de la personne et des personnes. Wa aslu ad-din est la base même de la religion, an yakuna al-hubb lillah. C'est que l'amour soit pour Allah. Wal bughd lillah et le détestement soit pour Allah. On aime pour Allah. On déteste pour Allah. Wal mu'alatu lillah. Wal mu'adatu lillah. Et que l'alliance soit pour Allah. Le désaveu soit pour Allah. Wal ibadatu lillah. L'adoration, elle est pour Allah. Wal isti'anatu billah. La recherche d'aide et de secours, elle est envers Allah. On la recherche auprès d'Allah. Wal khawfu min Allah et que la peur ce soit une peur d'Allah wal raja min Allah et l'espoir en Allah wal ata'u lillah wal man'u lillah et que on donne pour Allah et on s'abstient de donner pour Allah wa hadha innama yakunu bi mutaba'ati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam alladhi amruhu amrullah wa nahyuhu nahyullah et tout cela on ne peut l'atteindre que dans le suivi convenable de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam celui dont son ordre c'est l'ordre d'Allah et son interdit c'est l'interdit d'Allah tabaraka wa ta'ala comme a dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager ne fait qu'obéir à Allah. Et le prophète sallam a dit "Man ata'ani ata'a Allah wa man 'asani 'asa Allah." Celui qui m'obéit obéit à Allah et celui qui me désobéit désobéit à Allah tabaraka wa ta'ala. Wa mu'adatuhu mu'adatun mu'adatullah wa ta'atuhu ta'atullah. Donc le prophète sallam dont son désaveu d'avoir de l'animosité envers le messager c'est de l'avoir c'est un désaveu envers Allah son obéissance c'est l'obéissance à Allah sa désobéissance c'est la désobéissance à Allah intaha min kalami Cheikh l'Islam Taymiyyah bi'ikhtisar et là se termine la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah en résumé c'est-à-dire que il a ramené les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah mais en résumé ثانيا deuxièmement qa'idatun fil ibadat, une règle de base concernant les adorations. Al-ibadatu mabnaha ala at-tawqif. Donc, les actes d'adoration, à la base, on n'a pas à les accomplir. At-tawqif, c'est-à-dire, on stoppe, on s'abstient, on s'arrête, on ne fait pas. C'est ça la base même. Il va expliquer, on ne fait que lorsqu'il y a demande, lorsqu'il y a ordre. Il n'y a pas de demande, il n'y a pas d'ordre, on ne fait pas. Donc, toute personne qui fait une adoration, on est en droit de demander l'origine de cette adoration. D'où est-ce qu'elle nous vient ? La personne n'a pas à te dire, ramène-moi une preuve comme quoi c'est interdit. Non, tu t'es trompé de chemin. C'est à toi de me ramener une preuve de l'existence de cette adoration. Parce qu'à la base, tu n'as pas à accomplir d'adoration. Tu n'accomplis que ce qui t'est demandé. Tu ne dois adorer que Allah, mais tu ne l'adores que parce qu'il a légiféré. Donc s'il y a législation, tu accomplis l'adoration. Il n'y a pas, tu ne fais pas. Il y a 5 prières dans la journée et la nuit obligatoires. Personne n'est en droit de ramener une 6e, une 7e, une 8e. Il y a 1 mois obligatoire à jeûner, le mois de Ramadan, dans l'année. Personne n'est en droit de dire, on va rajouter 1 ou 2 mois. En prétextant que c'est un plus. Et pourquoi on serait châtié pour des adorations qu'on a accomplies? Tu seras châtié pour ta contradiction avec l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme lorsque Saïd ibn al-Musayyib, rahimahullah, un des grands imams des tabi'in, il voit un homme accomplir les 2 rak'at avant la prière obligatoire de l'Fajr. Il y a la sunna de faire 2 rak'at avant la prière de l'aube, obligatoire. Et il l'a vu les faire très longues. Et il lui a dit, oh un tel, il ne faut pas les faire très longues. Ces 2 rak'at, il faut les faire légères. Cet homme lui a dit, est-ce que Allah va me punir pour 2 rak'at que j'ai fait pour lui? Il lui a dit, non, pour ça il ne te punira pas, mais il te punira pour la contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, tu seras puni pour ça. Parce que le prophète a dit de faire ainsi, et toi tu as voulu faire autrement. Autrement que le prophète, alayhi salatu wassalam. Comme l'homme qui a voulu entrer en état de sacralisation depuis la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Malik, rahimahullah, lui dit, ne le fais pas. L'état de sacralisation pour les gens de Médine, c'est à tel endroit qui s'appelle Dhul Hulaifa. Voilà l'enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a montré l'endroit et il l'a accompli aussi. L'homme, il a dit, mais ce n'est qu'une distance que je rajoute pour me rapprocher plus d'Allah. Au lieu d'être en état de sacralisation depuis Dhul Hulaifa, moi je vais l'être bien avant. Donc je serai en état de sacralisation encore plus longtemps. Et l'imam Malik lui a dit, je crains que ce verset ne t'atteigne, que craignent ceux qui vont à l'encontre de son ordre, qu'un trouble nous les touche ou un châtiment douloureux. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Crois-tu, ô un tel, que tu as été spécifié d'une chose dont le messager d'Allah n'a pas été spécifié? Et t'es qui, toi? Toi, t'as trouvé quelque chose que le prophète ne nous a pas enseigné. Un bien que le prophète n'a pas trouvé. Subhanallah. Et ça, il y a certains, ils pensent être intelligents. Ça, c'est un manque d'intelligence. S'il était vraiment intelligent, eh bien, il suivrait convenablement le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'inventerait pas de sa propre tête. Et sache que ce qui n'était pas une religion à l'époque, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, radiallahu ta'ala anhum, ne sera jamais une religion. Et que les derniers de cette communauté ne pourront réussir que s'ils prennent le même chemin que les premiers. Tayyib. Donc, al-ibadatu mabnaha ala at-tawqif fallahu. Amara bittiba'ir rasul sallallahu alayhi wa sallam, et Allah tabaraka wa ta'ala, a ordonné le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est le verset de l'épreuve, ça c'est le verset de l'épreuve à tout prétentieux, toute personne prétendant être aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou aimer Allah tabaraka wa ta'ala, voilà le verset de l'épreuve. Tu aimes Allah, tu aimes son prophète sallallahu alayhi wa sallam, applique ce qui t'est demandé. Dis au Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment vous aimez Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Wa qala ta'ala, wa man yuti'i Allah wa rasulah yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha wa dhalika al-fawz al-'azim. Dans le sens du verset, le Très-Haut nous dit, et ceux ou celui qui obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, ils y demeureront éternellement, et voilà le grand gain. Wa fi sahihayn عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك قبلك ما قبلتك. Donc, et dans les deux authentiques, dans le Sahih de Bukhari et le Sahih de Muslim, rahimahum Allah, d'après le calife, le prince des croyants, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'il a embrassé la pierre noire. Et il a dit, je suis convaincu, j'ai conscience que tu es une pierre qui ne peut nous ramener ni bien ni mal. Cette pierre, elle ne peut pas être nuisible ni bénéfique en elle-même. Et si je n'avais pas vu, écoutez bien, et si je n'avais pas vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. C'est le suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas l'attachement à une matière quelconque comme ça, non. On le fait parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a enseigné. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait. Et donc, Omar radiallahu anhu, c'est une règle. Il nous l'apprend. Ce n'est pas la pierre en elle-même, mais c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je ne t'aurais pas embrassé. Mais je le fais parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Wa qad taqaddama qawlu ba'd as-salaf ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Et nous avons vu précédemment certains récits et propos des pieux prédécesseurs, parmi lesquels cette parole, suivez et n'innovez pas, il vous a été suffi. Il vous a été donné suffisance dans le suivi. Kama taqaddama anna min sharti qabuli al-amal tajridu al-mutaba'ati lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons vu aussi, dans ce qui a précédé comme cours, que parmi les conditions de l'acceptation des œuvres, c'est le suivi clair, ferme du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa qad ja'at an-nusus al-kathira fi al-Qur'an wa as-Sunnah allati fiha al-amr bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulih. Et il y a eu beaucoup de textes qui nous sont parvenus dans le Coran et dans la sunna du prophète sallam, dans lesquels il y a l'ordre d'obéir à Allah et d'obéir à son messager, wa nahi an ma'siyati Allah wa ma'siyati rasulih, et dans lesquels il y a l'interdiction de la désobéissance à Allah et la désobéissance à son messager. Fala yajuzu li ahadin an yakhruja amma madat bihi as-sunnah. Donc il n'est pas permis à une personne d'aller à l'encontre ou de sortir contre la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, wa dalla alayhi al-kitab wa sunna, et ceci a été prouvé par le livre et la sunna, wa kana alayhi salaful umma, et c'est ce sur quoi étaient les pieux prédécesseurs de cette communauté. Wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin.